Chapitre 33. Carte sur table. La journée me réservait encore une autre surprise. J'avais à peine dépassé l'antique porte du village que j'entends courir derrière moi. C'est Gantôme, soufflant, affairé. Un monsieur vous attend à l'auberge, un vieux monsieur qui a des lunettes. Il voudrait vous parler. Je pense que c'est pour la chèvre d'or. « Depuis quelque temps, vous vous occupez un peu trop de la chèvre d'or, ami Gantôme, qui empêcherait d'ailleurs le monsieur à lunettes de venir me trouver chez moi. »« Je le lui ai dit, mais il préfère... C'est bien, va devant, je te suis. » Le personnage qui m'attendait n'était autre que l'excellent monsieur Blaise Pascal. Monsieur Blaise, citoyen de Monte-Carlo et professeur juré de 30 et 40 et de roulette. Ce vieux fou m'a tenu le plus raisonnable des discours. Jouant carte sur table, je pourrais vous en vouloir, étant persuadé que, sans ma proposition d'il y a 6 mois, et les imprudentes paroles échappées à Galfard ivre, vous n'eussiez jamais tout seul trouvé la piste de la chèvre d'or. Vous dites non. Tant mieux. Il m'aurait pigné de vous supposer capable d'une indélicatesse. Admettons qu'un hasard seul vous a conduit ici. C'est possible, je crois au hasard, et qu'une série d'autres hasards, interprétés par la réflexion, aient fini par vous faire connaître une partie de notre secret. Mais il n'en est pas moins vrai que Galfard, avec assez de vraisemblance, vous accuse de le lui avoir volé, ce secret. Il n'en est pas moins vrai que Galfard, qui lui aussi voulut l'épouser, fera l'impossible pour empêcher le mariage que vous rêvez avec sa cousine Norette. Mais sur ce dernier point, moyennant certaines conditions, je me charge de faire entendre raison à Galfard. Pourquoi ne pas nous associer? Ce que vous savez, nous le savons. L'ombre indiquant la place où une cassette est enfouie, et les papiers ou parchemins contenus dans cette cassette indiquant à leur tour l'entrée cachée par une pierre mouvante des souterrains où gît le trésor. Ce qui vous manque, nous manque aussi. C'est, voyez que je joue ainsi que je l'ai promis, carte sur table. C'est une clochette en argent, d'apparence talismanique, qui fut un instant dans vos mains. Ne niez pas, Gantôme l'a dit à Peuparle, et Peuparle me l'a répété, et que vous avez rendu aussitôt, parce que, mal renseigné encore, vous en ignoriez l'importance, et parce que vous n'avez pas même songé à dessiner l'inscription pourtant curieuse qu'elle porte. Tenez, afin de vous prouver ma bonne foi, je vous dirai que cette inscription est tout simplement du grec, écrit à l'envers, en caractères arabes, suivant la méthode naïve des cryptographes d'autrefois. La déchiffrer serait un jeu, mais pour la déchiffrer, il faut la voir, et on ne l'aura qu'en devenant l'époux de mademoiselle Norette. Maintenant, si vous voulez savoir pourquoi un pareil trésor est resté si longtemps inviolé et pourquoi leur femme étant dépositaire du secret pendant 600 ans, les Galfard et les Gazan ont, plutôt que d'y toucher, laissé tomber leur créneau, écrouler leur tour. Je répondrai qu'il y a là une cause mystérieuse et que si je la savais, je n'aurais peut-être pas besoin de vous. Et si vous voulez savoir encore comment j'ai appris toutes ces choses, je vous dirai que Galfard me les confia un matin que je revenais d'Afrique et que pieds nus, il lavait le pont du paquebot. Lui tient cela des traditions de sa famille. Et dire, s'écriait-il en me montrant de son écouvillon mouillé un village de la côte tout blanc sur un pic, le village même où nous sommes. Dire que je suis ici à racler des planches, les jambes dans l'eau, tandis que là-haut, avec un peu d'argent et un peu d'aide, en 15 jours, je serai maître d'un incalculable trésor. J'écoutais Galfar, je suis un homme pratique. Je trouvai de l'argent pour lui et le mis en posture de faire sa cour à Norette. Mais il ne réussit point. Qu'attendre d'un simple matelot? C'est alors que je songeais à vous mettre dans l'affaire. N'étant point homme pratique, vous eûtes le tort de refuser. Acceptez aujourd'hui, et il n'y aura eu que du temps perdu. Ennemis, nous nous nuirons. Amis, la réussite est sûre. Nous partageons par trois. Vous épousez Norette, et je donne ma fille, car j'ai une fille, musicienne et blonde, à Galfar. Ce diable d'homme, avec son éloquence, avait presque fini par me tenter. Je croyais voir, pendant qu'il parlait, l'ombre portée du roc, le trou, la cassette, puis derrière la pierre tournante, les trois souterrains des légendes, peuplés d'innombrables chauves-souris, dont le vol obscur et silencieux semble un frôlement de fantômes et des portes. Des portes hérissées de clous, sans guirlandant, ô merveille du fer forgé, d'ornements défensifs à la mode arabe. Je croyais voir surtout le dernier réduit, le caveau en cul-de-sac bourré, comme dit Peuparle, à gantôme, de diamants et d'or en barre. Quel beau rêve à réaliser! Quel renouvellement de vie large et libre! Car enfin, cette prétendue civilisation, à la fois très raffinée et très financière, enchaîne les mains, entrave les jambes tout en élargissant les cerveaux et cantonne, par matérielle indigence, notre pauvre corps dans un coin, tandis que l'esprit, au corps lié, souffre de ne pouvoir prendre son vol et réaliser le divin sur terre. Par malheur, au moment où je me laissais ainsi emporter sur les ailes de la chimère, Monsieur Blaise, horrible décidément, eut la fâcheuse inspiration d'étaler devant moi, sur la table, les sortant d'un portefeuille d'ailleurs, indécemment crasseux, trois papiers timbrés, nos traités libellés d'avance, et qu'il n'y avait plus qu'à signer. J'eus honte pour la chèvre d'or, je fus humilié pour Norette de les voir marchander ainsi. « Assez, monsieur Blaise, répondis-je au bonhomme, qu'il s'agisse des trésors du roi de Majorque ou de l'amour de mademoiselle Norette, et même de tous les deux ensemble, j'en fais assez au cas pour désirer les conquérir à moi seul. Ainsi, vous refusez? Je refuse. Alors, c'est la guerre. Va pour la guerre. J'ai fait ce que j'ai pu. Je m'en lave les mains, conclut monsieur Blaise. Et monsieur Blaise me regardait de cet air triste et apitoyé qu'on ne peut s'empêcher de prendre en regardant les fous.